La direction et le personnel du marché Richelieu épicerie Florent Lachance de Saint-Prime vous souhaitent une heureuse période des fêtes. Que la nouvelle année vous apporte paix, santé, bonheur et qu'elle comble vos moindres désirs. Depuis maintenant 62 ans, nous prenons plaisir à vous servir. C'est d'ailleurs pour vous remercier de votre support indéfectible que nous avons complètement rénové notre espace et nos équipements au cours de la dernière année, soucieux d'être à la hauteur de vos attentes, chers clients. Nous serons honorés de continuer à bien vous servir en 2018. De la part du marché Richelieu, épicerie Florent Lachance de Saint-Prime, joyeux Noël et bonne année. Tombe. Les cœurs deviennent sensibles et chaleureux. On rêve et on pense aux belles rencontres des temps des fêtes. Madame Thérèse Bouchard, conseillère fiscale pour HR Block, veut vous souhaiter le plus merveilleux temps des fêtes. Laissez-vous gâter par vos amis et réjouissez-vous avec les parents. Que la prochaine année soit une fontaine de jouvence. Tels sont les vœux de Madame Thérèse Bouchard, conseillère fiscale chez HR Block, 1670, boulevard Wahlberg, en face du restaurant Mike's, 418-276-8025. Pour vos idées cadeaux de Noël à prix abordable, le magasin Canadian Tire de Dolbeau-Mistassini, c'est l'endroit à visiter. Le propriétaire Ken Bennett et tout le personnel souhaitent de joyeuses fêtes à toute la population et vous remercie de votre encouragement durant toute l'année. Le magasin Canadian Tire, 1751 boulevard Vézina, Dolbeau-Mistassini, 276-2385. Et n'oubliez pas de consulter notre circulaire chaque semaine. On va parler de baseball, c'est la revue de l'année. On a deux revues de l'année, on va en avoir une avec Jacques Doucet cette semaine et l'autre avec Marc Griffin la semaine prochaine. Salut Jacques! Salut bien! Jacques, l'année 2017, est-ce que tu es d'accord avec moi que c'était rafraîchissant de voir arriver deux recrues? C'est ça, c'est dans des gros marchés, mais il reste qu'Aaron Judge à New York et Cody Bellinger à Los Angeles. C'était rafraîchissant de voir ça. Ben oui, écoute, c'est... au lieu de voir toujours les mêmes noms là, qui ressurgissent d'année après année, il y a un afflux de jeunes talents qui se pointent dans la Ligue américaine, dans la Ligue nationale. Et puis ça, c'est le fun parce que il y a des, je dirais pas des vieux boucs, mais il y a des gens qui étaient habitués à recevoir toujours des honneurs autres. Je te parle après avoir été recrue de l'année, là. Ouais. Mais tu sais, qui aspiraient toujours aux mêmes honneurs après. Oui, on gagnait le titre de recrue de l'année, et ensuite on devenait éligible presque tout de suite au titre de joueur le plus utile à son équipe ou encore lanceur de l'année ou ces choses-là. Mais là, il y a un afflux de jeunes talents qui se pointent dans le baseball majeur, puis ça, je pense que c'est très rafraîchissant. Puis les Yankees, écoute, on dit ce qu'on voudra, ça c'est comme les Patriots de la Nouvelle-Angleterre, t'es aimes ou t'es aimes pas. C'est à peu près la même affaire. De voir les Yankees hein, rebondir, parce que rappelle-toi, il y a 2-3 ans, on disait ça va être long à New York, tu sais, l'après Derek Jeter, le receveur Posada, Mariano Rivera, tu sais, les Yankees, écoute. On disait que, puis là, finalement, ils se rebondissent assez vite, là, coupe de change des lignes mineures, puis on est parti, là. Ben, écoute, ils ont énormément de jeunes talents qui sont très, très, très prometteurs, puis là, avec. L'acquisition d'un frappeur comme Giancarlo Stanton, eh bien, ça fait une équipe très, très redoutable du côté de l'attaque. Ils ont encore certaines carences au niveau du monticule, là, mais en attaque, il n'y a pas beaucoup d'équipes qui vont pouvoir rivaliser avec eux. OK. Parle-moi maintenant, c'était une série mondiale qui a été en 7 matchs. Les Dodgers de Los Angeles contre les Astros de Houston, c'était une bonne série. Moi, j'étais sûr que les Dodgers allaient l'emporter parce qu'il y avait, lorsqu'ils ont gagné le sixième match, mais lors du septième match, mauvaise sortie de Yu Darvish et finalement les Astros qui ont gagné. Puis les Astros qui ont réussi la prédiction de Sports Illustrated qui avait prédit 3 ans avant qu'en 2017 ça allait être les Astros. Ben écoute, les Astros avaient fait des repêchages extraordinaires. Ah, ouais. Et ça leur a permis de lentement mais sûrement de gravir les échelons et de finalement atteindre la Série mondiale l'automne dernier. Et dans le cas des Dodgers, eh bien, ils avaient misé gros sur le lanceur japonais, Yu Darvish. Ouais. Et Darvish n'a vraiment pas répondu à l'appel de sa nouvelle équipe. C'est dommage parce que c'est un excellent lanceur au cours des saisons régulières. Mais lorsqu'on arrive dans les séries d'après-saison, je sais pas ce qui se passe, mais je sais pas si tu as lu les mêmes papiers que nous, Mais il y en a qui disaient du côté des Astros de Houston que Darvish télégraphiait ses lancers. Ah, et okay. C'est pour ça que les frappeurs des Astros, sachant ce qui allait leur être servi, soit des balles rapides ou des balles glissantes par Yu Darvish, eh bien, on l'attendait de pied ferme. C'est comme ça qu'il n'a pas réussi à franchir la troisième manche. OK. Parle-moi, les Jays de Toronto, ça a été une saison très décevante. Il y avait des attentes élevées. Ça a mal commencé l'année. L'année a mal commencé. Puis, tu sais, il y a eu le mois de mai qui est arrivé, qui était intéressant. Après ça, on s'approchait du 500. Puis Jamais on l'a atteint. Fait que... Leur seule consolation du côté des Blue Jays, c'est qu'ils n'ont pas terminé dernier. Les Orioles de Baltimore ont terminé un match derrière eux. C'est la seule consolation qu'on peut vraiment retenir dans le cas des Blue Jays de Toronto, parce que une équipe qui ne parvient pas à jouer même une seule fois pour 500 au cours de toute une saison, c'est vraiment décevant. Et ce qui est de plus en plus inquiétant, c'est que jusqu'ici, même après les assises, où tous les directeurs généraux étaient réunis sous un même toit, on n'a fait aucune transaction majeure pour tenter de renflouer l'équipe, que ce soit parce qu'on a besoin d'un voltigeur, parce que José Bautista est parti, on a besoin d'un lanceur partant, on a besoin d'un receveur auxiliaire, puis je soutiens qu'on a encore besoin d'un joueur de deuxième but, moi. Celui sur lequel on fonde le plus d'espoir, il n'a jamais joué une saison complète, il est toujours blessé. Ouais, tu parles de Donc, on est allé chercher peut-être un tampon là, pour sécuriser les gens à l'avant-champ en allant chercher un joueur chez les Cars de Saint-Louis, mais c'est pas la solution. Il y a des gros joueurs qui étaient disponibles soit sur le marché des échanges ou encore sur le marché des joueurs autonomes. Puis jusqu'ici, la direction des Blue Jays n'a même pas bougé d'un pouce. Non, mais c'est partout pareil. Puis finalement, moi, c'est un petit peu partout pareil, remarque bien. Je suis un peu surpris, j'en parlais avec Bruno Boudreau aussi récemment. Je suis surpris de voir que ça signe pas vite. Hein? Puis, ça signe pas vite. Toutes les équipes veulent réduire leur masse salariale. D'abord, ça a commencé avec les ventes de feu des Marlins de Miami. Ouais. Et puis là, on vient de voir les Rays de Tampa Bay échanger leur joueur de franchise aux Giants de San Francisco. Ça brasse apparemment. Frédéric Degg, de la presse canadienne, me disait ça. Il est allé voir dans le Tampa Time, je pense. Oui. Et ça brasse. Les gens ne sont pas contents. Ah ben contents. Oui. Les gens, ils ne sont pas contents, mais qu'est-ce que tu veux? Il n'y a personne dans le stade. Oui. Alors, tu ne peux pas blâmer le propriétaire de se défaire de ses gros contrats. Tant et aussi longtemps qu'on ne réglera pas la situation du stade à Tampa Bay, que ce soit construire un nouveau stade ou déménager l'équipe, eh bien, tu peux pas blâmer M. Sternberg d'essayer de liquider les joueurs qui font le plus d'argent parce qu'il n'y a personne dans le stade. Non, mais toi, ça ressemble à Claude Métis, parce qu'à un moment donné, je reviens dans le temps des expos, tu peux pas, à un moment donné, il faut que tu envoies un signal de temps en temps, puis là... Un message d'espoir, au moins. Ah oui, ça, je suis entièrement d'accord. L'allusion que tu fais aux Expos de Montréal est très justifiée. Il aurait suffi de la bonne volonté de certains propriétaires pour, surtout après la vente de feu de 95, au lieu de se défaire de 4 joueurs, à laisser partir 2 et d'en garder au moins 2. Ouais. Et puis la situation aurait pu être tout autre, mais non. Eux n'ont pas voulu réinvestir dans la formation, puis c'est pour ça qu'éventuellement ils sont partis. Mais je reviens au Jays. Moi, ce que je craignais, Jacques, c'était. Et là, c'est un dossier qu'après les fêtes, faut qu'on entende parler plus que ça. C'est le cas de Josh Donaldson. Moi, je pensais, je craignais énormément que les Jays. Je l'avais dit à Mark Griffin, puis Mark m'était d'accord avec moi. Surprenez-vous pas s'il rate Giancarlo Stanton que les Cards cognent à la porte des Jays pour Josh Donaldson. Il y avait plusieurs rumeurs, on attendait de parler plusieurs. Ah oui, il y en a plusieurs, mais ça n'a jamais été confirmé nulle part. Ouais. Mais c'est évident que on ne connaît pas les intentions de la nouvelle direction. Est-ce qu'on veut rebâtir et qu'on ne veut pas le dire aux partisans? Parce que l'an dernier, malgré une saison qui a été à toute fin pratique désastreuse sur le terrain, on a été l'équipe qui a attiré le plus de monde dans la Ligue américaine. Ouais. Alors, tu sais, on peut pas dire que les les Blue Jays, c'est les parents pauvres de la Ligue, là. Non. Ils en ont des sous, mais est-ce qu'ils veulent réinvestir ou si... Puis là, il y a la vente. La rumeur là, qui a couru il y a quelques semaines que peut-être Rogers serait intéressé à vendre des Blue Jays est vraiment fondée. Est-ce que Rogers veut se départir du joyau de ses propriétés sportives? Parce que, oui, là, les Maple Leafs commencent à grimper, le basket va bien, le soccer a gagné le championnat. Mais est-ce qu'on veut se défaire des Blue Jays, qui est vraiment, en ce qui me concerne, moi, le vache à lait de Rogers sur le plan des propriétés sportives? Mais ça, le contrat avec la Ligue nationale a coûté extrêmement cher, la Ligue nationale de hockey, puis on a beaucoup de misère à rentabiliser ça aussi, là. Ça pourrait être... Ben, tu peux en parler aux gens de TVA aussi. Hein. c'est sûr. Jacques, mais j'ai hâte de voir, tu sais, il y a plusieurs joueurs qui sont joueurs autonomes, qu'au moment où on enregistre l'entrevue, est-ce qu'on la met en ligne, il va peut-être avoir des signatures, mais tu sais, des Mike Moskalkus, des Lorenzo Cain, ça n'a pas encore signé. Ça, on prêtait beaucoup de rumeurs avec les Blue Jays, Cain. Carlos Gonzalez également n'a pas signé. Oui, mais là, tu parles de... Ouais. Quand tu parles de Kane puis de Moustakas, tu parles des joueurs vieillissants. Oui, mais on parlait de rumeurs avec les Jays. Oui, mais ça, moi je n'y croyais pas vraiment. Ouais. Écoute, ils ont des jeunes joueurs, mais ça te prend un bon voltigeur. Ouais. Je ne suis pas persuadé encore que les joueurs qui sont présentement sur la liste de protection des Blue Jays, parmi ceux-là, c'est la solution idéale pour remplacer un gars comme José Bautista. À l'avant-champ, ben, j'ai encore mes doutes, moi, sur le joueur de deuxième but qui est toujours blessé. Puis il faut trouver un adjoint de taille pour au poste de receveur. Et on a besoin d'un lanceur partant aussi. Je ne parle pas d'un lanceur numéro un, là, mais au moins un numéro 4 ou un numéro 5. Parce qu'on ne sait pas encore si Sanchez va rebondir en santé ou non. Là. Ouais. Aucun entraînement qu'on va le savoir. Là, apparemment, il vient de recommencer à lancer à Dunedin, là, lentement mais sûrement. Mais j'ai hâte de le voir quand je vais être à Dunedin, quand il va faire ses premiers pas au monticule dans la Ligue des Pamplemousses. Ah non, c'est pas rassurant pour les partisans des Blue Jays, ce qui se passe là. Puis heureusement, il y a Vladimir Guerrero Jr. qui s'en vient. Que ça va être le fun, puis Beau Béchette, le fameux duo dynamique, puis ça va être le fun des voix. Moi, je les suis toutes régulièrement durant l'été, puis c'est le fun des voix suivre. Jacques, si tu permets, on va faire une pause et on va revenir sur ce que tu prévois pour 2018. Vous allez écouter de la rétrospective de l'année avec Jacques Doucet sur les ondes de danradiosport.com. La coopérative de camionnage de Saint-Félicien aimerait souhaiter de joyeuses fêtes à toute la population. La coopérative de camionnage de Saint-Félicien est un employeur important dans le comté, puisqu'il possède des chargeurs de bois. Les bureaux de la coopérative de camionnage de Saint-Félicien sont situés au 905 boulevard Hamel, au numéro de téléphone 418-679-9494. Van Fortin et tout le personnel de Dolbeau Auto remercient leur distinguée clientèle pour leur encouragement et leur soutien pendant l'année qui se termine. Et profite de l'occasion pour vous souhaiter de très joyeuses fêtes et vous incite à la prudence pendant ces moments de grande réjouissance. Dolbeau Auto au 1770 boulevard Wahlberg à Dolbeau-Mistassini au numéro de téléphone 418-276-0580 et n'oubliez pas également de consulter notre page Facebook. L'entreprise Usinage Numérique HB du 210 rue Beauchamp à Dolbeau-Mistassini connaît une croissance phénoménale. Les propriétaires messieurs Hermel Bugeaud, Vincent Girard et Pierre Thériault viennent d'investir une somme de $600,000 qui permettra d'agrandir ses locaux et offrir une nouvelle gamme de produits qui fait fureur dans l'industrie du camionnage. Toute notre équipe souhaite de joyeuses fêtes à la population et vous invite à la grande prudence. Tels sont les vœux de la direction d'Usinage Numérique HB 418-239-08-27. En ce temps des fêtes, le moment est vraiment propice pour penser aux gens qui font notre succès. Le propriétaire de Remorque 2000, M. Daniel Deschênes, et tout son personnel désirent remercier sa distinguée clientèle et profitent de l'occasion pour souhaiter un joyeux Noël et une bonne année à toute la population. Pour tout besoin en remorque, c'est l'équipe de Remorque 2000 qu'il faut contacter, la référence au Saguenay-Saint-Jean dans ce domaine. Remorque 2000 au 643 rue Dequin à Dolbeau-Mistassini au numéro de téléphone 88-276-93-83. Le site touristique de la Chute à l'eau vous accueillera cet hiver. Plusieurs services vous seront offerts. Location de chalets, sentiers de raquettes, accès direct via les sentiers régionaux de motoneige, restauration avec service de bar et entrée gratuite sur le site. Pour plus d'informations, visitez lechutealour.com. Jacques, 2018, moi ce que j'ai hâte de voir, ça va être une année, j'ai hâte de voir deux choses. J'ai hâte de voir Giancarlo Stanton, qu'est-ce qu'il va faire avec les Yankees. Moi, tu sais, déjà les gens sont prêts à donner tout de suite la Série mondiale aux Yankees, plusieurs. J'ai des doutes. Là, ils s'en viennent dans la grosse pomme. C'est beaucoup de circuits, mais beaucoup de retards sur trois prises aussi. Aussi, j'ai hâte de voir Otani. J'ai hâte de voir qu'est-ce qui va se passer avec Otani avec les Angels aussi, là. Puis Aaron Boone. Ah, ben oui, écoute, comme... ça va être intéressant de voir qu'est-ce qui va se passer avec ce phénomène japonais, là, qui vient de rebondir. Sauf certaines, s'il est, je sais pas moi, le 75%, de ce qu'on lui réserve comme avenir, ben il faut considérer les Angels comme des candidats sérieux au championnat dans la division Ouest, malgré la présence de Houston, parce que les Astros vont pas abdiquer leur titre de champion de Ligue mondiale facilement, là. Mais c'est quand tu regardes, là, Oakland n'a pas fait grand-chose, Texas a bougé un peu. Non, les Angels deviennent des... Ben, tu sais, si c'est pas un titre dans l'Ouest, c'est au moins meilleur deuxième, là. Ouais. Puis j'ai hâte de voir Aaron Boone à New York aussi. Tu sais, on s'est débarrassé de Joe Girardi parce que supposément que c'était un manque de communication. C'est revenu souvent. Ouais. Là, t'arrives avec Aaron Boone qui s'est pas sans rappeler Mario Tremblay. Tu sais, le gars a dirigé zéro match d'expérience dans le baseball majeur. Arrive dans la grosse pomme, dans un marché particulier. Je vais te dire une chose, il va être scruté à la loupe. Oui, effectivement. Mais il y a une chose qu'on n'a pas mentionnée encore, autant dans la première portion de l'entrevue d'année que là, on n'a jamais parlé des Red Sox de Boston. Effectivement, les Red Sox qui vont répliquer certainement aux Yankees, je vous vois pas. Il va falloir, là. Ouais. Ils ont besoin de quelqu'un, vraiment, là, pour jouer au premier but. Un gros bâton, là. Ouais. Ils ont besoin d'un coup de bâton pour remplacer Big Papi. Peut-être pas dans la même mesure que Big Papi, mais au moins donner plus de corps à cette attaque-là. Parce que dans l'année passée, malgré l'excellence de certains de leurs lanceurs et d'une bonne relève, l'attaque n'a pas donné aux Red Sox les moyens de... Oui, ils ont terminé champions dans leur division, mais par la peau des dents, là. Ils ont devancé les Yankees seulement par deux matchs. Puis là, avec les acquisitions que les Yankees ont fait, ben, ils sont menacés, là, sérieusement. Mais Dombrowski n'a pas dit son dernier mot, j'en suis persuadé. Parce qu'au moment où on enregistre également, on disait qu'il était intéressé à J.D. Martinez, sauf qu'on ne voulait pas donner un contrat de 7 ans à Martinez. On voulait plus 5 ans. On peut comprendre. Puis 5 ans, puis Martinez veut jouer dans le champ, il ne veut pas être juste, il fait peur de choix. Tu sais, ça va être intéressant. Mais je veux revenir sur Otani, Jacques. Tu sais, le gars, là, il est lanceur, il est frappeur. Comme lanceur, on dit que c'est un gars, un potentiel, un Justin Verlander. Comme frappeur, on dit que c'est un gars qui peut frapper entre 35 et 40 circuits. Le gars veut jouer au champ, mais... Non. Il ne jouera pas au champ. Il va agir comme frappeur de choix. Ouais. Et comme lanceur. Oui, mais il est capable de jouer au champ. Ça, tu peux être sûr que les Angels ne permettront pas à leur... leur joyau. Leur investissement, parce que s'il y a... De dire, écoute, de se risquer dans une blessure comme voltigeur, mais il va pouvoir frapper des jours où il n'agira pas comme lanceur, il pourra agir comme frappeur de choix. Et s'il est le moindrement dangereux comme on croit qu'il l'est, ben ça va renflouer une attaque qui était vraiment déficiente du côté des Angels. Ouais. Mais j'ai hâte de voir, parce que comment qu'on va gérer ça? Parce que le gars, il a une carrière, là, t'sais, il ne se rendra pas à 30 ans. Moi, j'ai vu des joueurs comme Bo Jackson, c'est sûr que c'était deux sports différents, là, mais des joueurs qui ont voulu tout faire et que leur carrière n'a pas été longue. Genre que 2018 également, ça va être probablement l'intronisation. On a eu Tim Raines en 2017, on était très très contents. 2018, ça risque fort d'être Vladimir Guerrero qui fasse son entrée à Cooperstown. On devrait savoir ça le 24. Oui, le 24 janvier. Puis deuxièmement, mais il y a quand même de plusieurs bons joueurs qui peuvent faire leur entrée à Cooperstown cette année. Là. Tu peux avoir une bonne récolte, là. Écoute, il y a plusieurs joueurs qui frappent à la porte. Ouais. Dans le cas de Vladimir, la seule chose qui joue contre lui, c'est que c'est seulement sa deuxième saison. Par contre, il était... Alors, tu sais, l'année passée, il a manqué par quelques votes seulement. Ouais. Ouais. Mais là, avec l'entrée sur la scène de gros noms qui arrivent pour leur première saison, ben, il y a des votes qui vont se dissiper, là, peut-être. Ouais. Ouais, ouais, ouais. Alors, il sera intéressant. J'ai hâte de voir de quelle façon le vote va se répartir, mais je souhaite ardemment que Vladimir passe dès cette année, pas attendre la dernière minute comme ça a été le cas de Tim Raines. Trevor Hoffman à 74%, Vladimir 71% devrait rentrer. Oui. Par la suite, c'est quoi, là? T'as Chipper Jones qui devrait être là normalement cette année, facilement? Ah oui, oui. Jones va sûrement être un des candidats favoris. Ouais. Mais est-ce qu'on va se retrouver avec une cuvée Jim de 4-5? Jim Thome qui a fait 600 circuits, lui, ça devrait rentrer facilement aussi. Oui, mais ça, tu sais, on peut attendre un peu. Ouais. C'est la même chose. Il y a, ceux qui vont gagner du terrain, peut-être, là, c'est des joueurs qu'on voudrait bannir parce qu'ils ont utilisé des produits défendus. Mais de plus en plus, ce que je trouve très rafraîchissant, c'est que l'âge de ceux qui votent diminue. Ouais. Il y a de plus en plus jeunes, et les plus jeunes sont plus tolérants. Tu sais, c'est pas tout des Joe Morgan puis des vieux de la vieille là, qui ne peuvent pas souffrir qu'on mentionne le nom d'un gars qui aurait utilisé des produits dopants pour être éligible au Temple de la Renommée, mais ce que des gars comme Joe Morgan et compagnie oublient, c'est qu'il y en a qui utilisaient d'autres sortes de substances dans le temps qu'ils jouaient, et puis qu'il y avait des réputations un peu moins respectables que ceux dont on parle aujourd'hui. Jacques, en terminant sur le Temple de la Renommée, juste avant les fêtes, il y a le comité de sélection là, qui l'a invité, le comité de révision, c'est-à-dire qui a amené Jack Morris par une channel. Oui. Je suis très d'accord avec ça, mais écoute, que Lee Smith soit même pas considéré. Ah, je suis d'accord avec toi. Il n'est même pas là-dedans. Il n'était même pas en nomination. C'est aberrant. Oui, je suis entièrement d'accord avec toi. C'est même pas en nomination. Je ne sais pas ce que c'est. Tu sais, on pourrait. Quand il a quitté Lee Smith, il était en tête dans les parties sauvegardées. Il jouait dans un gros marché comme Chicago. Tu vas me dire, les releveurs n'ont pas la cote. C'est vrai, mais il dominait quand même dans sa catégorie, là, quand il a quitté. Oui. Ah non, écoute, je suis entièrement d'accord avec toi. Lee Smith, c'est une très grave injustice. Ouais. Aucun doute dans mon esprit. Il aurait dû passer avant qu'on enlève les 5 dernières années là, d'éligibilité. Là. Mais c'est vraiment dommage qu'il ne soit pas là. Parce que il a connu une carrière exceptionnelle. Et il mérite d'être là, sans aucun doute. Terminant, Jacques, l'excellent Jérémy Filosa sortait cette semaine, la semaine dernière, qu'il y aurait déjà 70 les billets pour les deux matchs au Stade Olympique se vendraient au rythme de 70% comparativement à l'année passée. Je trouve ça excellent, premièrement, parce que c'est un lundi, mardi, très différent. Oui. Les gens de région comme moi ne pourront pas y aller. Moi, fort probablement, je vais acheter le billet pareil, mais je n'irai pas parce que je suis à Montréal. Et deuxièmement, maintenant, tu le regarderas à TVA? Oui, c'est sûr, Jacques. Il n'y a aucun doute là-dessus. Mais deuxièmement, Jacques, on commence à être tanné un peu ces matchs-là. Déjà que c'est à 70%, c'est merveilleux. Là. Non, je pense pas que les gens sont tannés parce que c'est un happening qui dure deux jours. Oui. Tu sais, c'est pas... C'est pas comme si... tu sais, on faisait ça tous les 5 ans, là. Ouais. On te remet en appétit à chaque année. Et c'est une preuve de plus que Montréal est prêt pour le retour du baseball majeur. Ouais. Et si on met Vladimir Guerrero, et si on annonce que Guerrero Junior sera là, j'ai l'impression que ça va aider à vendre les billets aussi. Je ne serais pas surpris qu'on le voit. Moi, on n'y aura pas besoin de ça, d'après moi. Parce qu'écoute, les gens s'ennuient du baseball majeur. Ça, c'est évident. On l'a prouvé au cours des 5 dernières saisons. Et là, avec la présence des Cards de Saint-Louis, qui arrive. C'est une équipe que, du temps des Expos, on a très connue. Avec Walter Zoll, Vince Coleman. Ben oui, tu sais, écoute, il y avait des joueurs exceptionnels là-dedans. Ouais. Il y a eu des lanceurs, Bob Gibson et compagnie. Ouais, tu sais, c'est Il y a eu des duels épiques. D'ailleurs, le premier match de l'histoire au stade du Parc Jarry, c'était contre les Cards de Saint-Louis avec Bob Gibson au Monticule. Oui. Alors, c'était une grande rivalité quand même, même si les Cards jouaient dans la division de l'Ouest ou de Centrale. Quelle belle équipe, Jacques. Je me rappelle, c'était pas des années 70, Bob Gibson, mais je me rappelle des années 80 avec Vince Coleman, Willie McGee, Jack Clark, Tommy Ure, Ozzie Smith. Quelle belle équipe. Ouais, Whitey Herzog comme gérant. Ozzie Smith, ça valait le prix d'admission à lui seul. Ouais. Et performance en défensive. Whitey Herzog, après Philippe Alou, c'est probablement été le meilleur gérant que j'ai vu dans le baseball, là. Quel gérant! C'est extraordinaire, Whitey Herzog. Il était excellent. Écoute, c'est un gars qui a innové. Ouais. Il a été directeur gérant et gérant aussi, en même temps, ce qui n'est pas une double fonction facile à exercer. Jacques, joyeuses fêtes, bonne année, beaucoup de santé, puis... Moi, j'avais dit en 2018 que ce serait l'annonce du retour du baseball officiel. J'ai des doutes depuis 5 novembre, mais ça, c'est une autre histoire. Mais je vais te souhaiter de la santé, surtout. Surtout de la santé, mon ami, puis toi aussi, puis salut bien tout le monde dans ta belle région. OK. Jacques Doucet, notre collaborateur baseball.